La danse de la pluie. Michel nous a installés dans le grand salon de l'hôtel, un espace ouvert sur trois côtés à l'autre extrémité du bâtiment. Il donne de plein pied sur la terrasse aménagée en de petits coins détente avec table basse, fauteuil et canapé de bambou recouverts de coussins en bogolant. La pièce proprement dite peut être isolée de la terrasse par le même genre de persienne accordée en iroko massif que celle de la suite du grand coudou. Elles permettent de fermer pour la nuit ou d'isoler le salon par mauvais temps ou par forte chaleur. Le bar derrière lequel officie un jeune tchadien en chemise blanche et gilet noir occupe la presque totalité du mur du fond. En bout du comptoir, un changeur de CD diffuse une musique d'ambiance mêlant guitare et piano. Michel nous a convié à une dégustation thé dont il est un grand amateur. Grâce à certaines relations dont il fait mystère, il se targue d'en importer quelques variétés rares. Nathalie repose sa tasse. J'adore le thé, mais là je dois dire que je suis bluffé. C'est absolument extraordinaire. Il y a des notes de vanille, de gingembre et une dominante que je ne peux identifier. Bravo Michel. Certains amateurs tueraient père et mère pour connaître le secret de ce mélange. Sous son hâle, Michel en rougit presque. J'ai mis des années avant de trouver cet équilibre. Vous me confirmez que j'y suis parvenu. Sans trahir mon secret, je dirais que la nuance dominante que vous avez notée provient d'une décoction dont le dosage peut varier quelque peu sans pour autant altérer le parfum de l'ensemble. Nathalie est plus qu'intriguée. Une décoction. Dans le genre, je ne connais que le thé noir au masala. Je n'ignorais pas le goût de Nathalie pour le thé. Je découvre une passionnée. Et vous dites qu'il est possible d'en varier le dosage sans pour en cela modifier le parfum. C'est surprenant. Michel a l'air un peu embarrassé. Il est visible qu'il ne veut pas trop en dire. L'écorce que j'utilise pour la décoction est essentielle au parfum, mais ce n'est pas sa seule propriété. À très petite dose, comme celle que je viens d'utiliser, elle parfume et lie l'assemblage. Cependant, à partir d'une certaine quantité, on obtient un effet... Comment dirais-je ? Oui, c'est ça, un effet euphorisant, auquel succède un sentiment de bien-être exceptionnel. Ça vaut largement tous les anxiolytiques et antidépresseurs de la pharmacopée occidentale. Les effets secondaires en moins. Sourire de Nathalie. Vous devriez faire breveter votre mélange, vous feriez fortune. Mot désapprobatrice de Michel. En Afrique, de même qu'on ne peut vendre l'eau que l'on boit ou l'air que l'on respire, on ne peut davantage s'enrichir avec les plantes dont l'usage s'est transmis de génération en génération depuis la nuit des temps. On peut seulement se rémunérer sur le travail de récolte et de séchage. Le sourire de Nathalie s'accentue. Elle est redoutable. C'est donc une plante africaine. Tout sautement de Michel. J'en ai déjà trop dit. Parce que mal utilisée et surdosée, cette décoction peut être dangereuse pour des personnes ayant certains problèmes de santé. D'autant que la teneur en principe active de cette écorce est très variable d'un arbre à l'autre suivant son âge. Il faut donc bien connaître cette espèce. Pour un non-initié au secret de la pharmacopée africaine, il n'y a aucun moyen d'être certain de la dose ingérée quand on la consomme sous cette forme. C'est pourquoi, en dehors de la boisson que vous venez de déguster, où j'en utilise très peu, et qui n'a donc aucun effet secondaire pour un usage médical, je préfère n'employer que le principe actif pur. C'est la seule façon d'en mesurer précisément le dosage. Comme toute femme curieuse qui veut absolument savoir, Nathalie fronce les sourcils. Bien que ce ne soit pas du tout mon domaine, vous avez piqué ma curiosité. De quel usage médical parlez-vous ? Vous ne pouvez vraiment pas m'en dire davantage ? Qui pourrait résister au charme de Nathalie ? Pas plus Michel qu'un autre, mais il reste tout de même prudent. D'accord. Sur une cure de long terme, le principe actif de cette écorce permet de lutter très efficacement contre des états dépressifs ou d'anxiété à raison d'une seule prise une fois par semaine pendant 4 ou 5 mois. Ceci, bien sûr, à la condition expresse qu'il y ait très rapidement rupture avec l'environnement à l'origine des troubles. Le principe actif peut être extrait de façon très simple. Il suffit de réduire lentement la décoction pour au final obtenir une poudre orangée sans odeur ni saveur, dont on peut alors mesurer le dosage précis. Je me permets d'intervenir dans le débat. Est-ce aussi un hallucinogène ? Le sourire de Michel est énigmatique. L'écorce n'est hallucinogène que lorsqu'elle est fumée, usage réservé aux sorciers et aux initiés. Sous forme de poudre strictement dosée, je préfère parler d'euphorisant, qui modifie plus ou moins la perception des cinq sens. Nathalie est littéralement dévorée de curiosité. Vous me certifiez qu'il n'y a aucune addiction et aucun effet secondaire, mais est-ce bien légal ? Michel lui répond avec son grand sourire charmeur. Ce qu'il y a de plus légal, en tout cas dans toute l'Afrique centrale, où cette écorce fait partie de la vie quotidienne. Vous voulez dire que tout le monde en consomme ? Oui. Les gens vont la récolter en brousse et la font ensuite sécher. Le seul truc est que, tout comme la poudre, dont il faut connaître les dosages précis, il faut bien savoir la préparer en fonction des effets désirés. Nathalie insiste. Donc, cette écorce peut aussi être toxique. Là, Michel rit franchement. À très forte dose, sans aucun doute. Tout autant que si vous ingurgitiez toute une bouteille de whisky. Au lieu de l'effet euphorisant de l'alcool, vous obtiendriez un coma éthylique dont vous risqueriez fort de ne pas vous remettre. Michel nous propose une autre tasse de thé et Nathalie accepte en plaisantant. Je veux bien. Mais êtes-vous certain que je ne verrai pas d'éléphant rose dans 5 minutes ? Tout le monde rit, mais tout comme Nathalie, j'ai bien noté l'échange de regards complices entre Sylvie et Bertrand. Je ne sais pourquoi, mais je suis tout à coup persuadé qu'ils en savent tout autant que Michel sur l'écorce et la poudre orange. Le soleil se couche. Dans une demi-heure, il fera nuit. Michel, qui depuis un instant semblait préoccupé et s'était éloigné au bout de la terrasse, revient vers nous. Je crois bien que ça va être une sacrée pluie. J'ai rarement vu l'horizon aussi noir. Il vient s'asseoir près de moi. Bon, revenons au pisteur dont tu m'as parlé au téléphone. Si j'ai bien compris, il s'agit de traquer un léopard que vous avez aperçu il y a 2 jours pas loin de la piste, juste un peu avant les roches noires. Sauf que je dois quand même vous le rappeler, la chasse au léopard est interdite. C'est Nathalie qui lui répond. Elle lui explique que nous n'avons pas du tout l'intention de chasser ce léopard, mais seulement de lui amener un cadeau. Les yeux ronds de Michel témoignent de sa surprise. Un cadeau ? Un léopard ? Oui, je vais vous expliquer. Omettant sa pause pipi, Nathalie lui raconte notre rencontre avec le fauve, lui parle de ses rêves et des conseils du docteur Endom. Sylvie et Bertrand connaissent l'essentiel de l'histoire, mais ils en découvrent les détails et son côté onirique. Le plus étrange dans tout cela, c'est qu'au fur et à mesure du déroulé du récit, personne ne manifeste le moindre étonnement ou la moindre incrédulité. En définitive, la personne la plus surprise est Nathalie elle-même, qui ne s'attendait vraiment pas à l'absence de réaction de son auditoire. Elle en fait la remarque à Michel. Que je doive apporter un présent au léopard vous a étonné. Par contre, maintenant que vous en connaissez les raisons, tout cela semble vous paraître normal. Le sourire carnassé habituel de Michel a fait place à un masque d'une étonnante sérénité. Pour un personnage aussi démonstratif, le contraste est total et plus que surprenant. Vous savez, Nathalie, cela va faire 20 ans que j'ai débarqué de ma bonne ville de Lyon pour m'installer en Afrique. Du Congo au Gabon, en passant par le Cameroun et la Centrafrique, j'ai fini par m'ancrer définitivement à Sanara. Si les rares fois où je suis rentré en France, j'avais évoqué ne serait-ce que 100e d'histoire de ce genre personnellement vécue ou rapportée par des personnes dignes de foi, comme vous, Patrice Dhomme. Bref, si j'avais fait la moindre allusion, on m'aurait immédiatement passé la camisole de force et je n'aurais pas eu le plaisir de vous rencontrer. À moins que vous n'ayez l'habitude de fréquenter les hôpitaux psychiatriques. Nathalie en bafouille. Alors vous me croyez sans penser un instant que je puisse fabuler ou que je sois accro au LSD ? La réponse de Michel tout en galanterie et sans ambiguïté. Aussi sûrement que j'ai le plaisir d'être en compagnie de 2 jolies femmes et de mes meilleurs amis. Je lui fais un petit clin d'œil et lui demande « Penses-tu qu'il te sera possible de trouver un pisteur rapidement, car nous partons lundi sur le Cameroun et chaque jour qui passe efface la trace ?» Michel prend le temps de réfléchir. « Tu as raison, et avec les pluies qui arrivent, il ne faut pas traîner. J'ai le gars qu'il vous faut, sous l'hangar. Tu le connais, Jean. Il n'est plus tout jeune et c'est ce qui lui qualifie pour ce travail. Il faut beaucoup d'expérience pour prendre une traque 3 jours après avoir croisé l'animal. » Je lui précise, bien sûr, j'irai avec Nathalie pour sa sécurité, mais je resterai à distance et Michel m'interrompt. Je sais que tu tires vite et bien, mais il vous faudrait quelqu'un d'autre qui soit aussi bon tireur que toi. Si l'animal charge, vous ne serez pas trop de 2 pour le stopper. Vous devriez prendre Bertrand avec vous. Je me tourne vers Bertrand qui ne réfléchit pas longtemps. C'est ok. Seulement, ce ne sera possible qu'après-demain, le temps de m'organiser. Et puis il y a un autre problème, je n'ai qu'un fusil. Michel me donne une tape sur l'épaule. Pour n'importe qui d'autre, je ne le ferai pas. Je te passerai ma 68S. Avec ça, tu stoppes la charge d'un buffle, mais fais gaffe, elle cogne. Pour le reste, Beauvert avec sous l'hangar. Il a comme une hésitation et me fixe avec un air sérieux qui ne lui est pas habituel. Si tu dois tirer, Jean, tire pour tuer. Parce que si tu m'estropies une bête comme ça, je t'en voudrais vraiment. En cas de pépin, tire le premier. Bertrand te doublera. Il rit, un rire un peu contraint. Mais bon, si cette bête est ce que nous dit Nathalie, et je la crois, il la reconnaîtra et vous n'aurez rien à craindre. Donc, je mets ça en place pour après-demain. Je dirai à Soulangar que vous passerez le prendre chez lui au lever du soleil. Tu connais Jean. C'est le village juste après la station 6. Nathalie prend la main de Bertrand comme pour le rassurer. Merci Bertrand, mais vous verrez, je suis certaine qu'il ne nous fera aucun mal et que vous n'aurez pas à tirer. Un léger courant d'air balaye le grand salon, faisant dresser la tête à Michel. Tiens, je crains que la pluie n'arrive plus vite que prévu. Il se lève, fait quelques pas, et jette de nouveau un coup d'œil à l'extérieur. La barre noire qui fermait l'horizon s'est considérablement rapprochée, et dehors, dans le parc, les feuilles des eucalyptus commencent à mourir sous l'effet du vent qui se lève. Michel revient vers nous. Je crois que j'avais sous-estimé l'importance de ce qui va nous tomber dessus dans moins d'une heure. Il fait un signe au barman qui quitte son comptoir pour s'approcher. Gardard, tu vas rentrer chez toi. Tu préviens tous les autres qu'ils doivent partir aussi. Dis aux cuisines qu'ils peuvent y aller. Je surveillerai le méchoui. Ah, n'oublie pas de dire à Sonko qu'il peut prendre le tractopelle. Vous en aurez besoin. Le jeune homme s'incline et fait un pas vers les fenêtres. Laisse, Gardard, on va s'en occuper. Comme le barman tourne les talons après l'avoir remercié, Michel nous fait signe. Excusez-moi de vous mettre à contribution. Je vous laisse le soin de mettre le mobilier de la terrasse à l'abri, de fermer les persiennes et ensuite les baies. Il faut que j'aille en cuisine. Ils doivent m'attendre pour partir. Je vais en avoir pour une petite heure. Ce serait dommage de laisser perdre un si bel agneau. Il fait trois pas puis se retourne. Bertrand, tu connais pour le rangement de la terrasse. Après, tu leur fais les honneurs du bar. Servez-vous ce que vous voulez, faites comme chez vous. À tout à l'heure. Il s'éloigne en grandes enjambées en direction des cuisines. Sous la houlette de Bertrand, nous ne mettons pas plus de 10 minutes à mettre le mobilier de la terrasse à l'abri et à fermer persiennes et baies vitrées. Il fait presque nuit lorsque nous reprenons place dans nos fauteuils autour de la table. Bertrand disparaît un instant derrière le comptoir et revient avec une bouteille tout embuée et 4 verres. J'ai trouvé du tangawizi. On va se faire un super apéro. Michel le prépare à la perfection. Air intrigué de Nathalie qui m'interroge du regard. Du tangawizi, qu'est-ce que c'est? Je te laisse le soin de goûter et de deviner. Il verse à chacun la valeur d'un demi-verre à whisky et lève le sien pour porter un toast. À notre hôte. L'air prudent, Nathalie goûte du bout des lèvres. Le sourire qui suit se passe de commentaires. Mais c'est délicieux. C'est du gingembre, non? Bertrand, qui a bu à son tour, confirme. Ravi que ça te plaise? Oui, c'est une boisson originaire du Congo, à base de jus de gingembre. Mais Michel y ajoute quelques ingrédients qui adoucissent légèrement le piquant. Regard coquin de Nathalie dans ma direction. Ça me rappelle quelque chose en plus frais. Elle s'adresse de nouveau à Bernard. C'est assez concentré. Si, comme on le dit, le gingembre est aphrodisiaque, la nuit risque d'être mouvementée. Rire de Sylvie qui précise. En matière de boisson aphrodisiaque, ce n'est vraiment rien à côté de la potion magique de Michel. Chacun vide son verre, Nathalie repose le sien. Ok, par euphorisant, il fallait donc entendre aphrodisiaque. Décidément, Michel est un spécialiste dans ce domaine. À son tour, Bertrand pose son verre. Très certainement, mais c'est surtout un homme au grand cœur et de plus très sensible. À ces mots, Sylvie ne peut masquer son émotion. Oui, et nous lui devons beaucoup. Nous ne le remercierons jamais assez. Elle se tourne vers Bertrand. « Raconte-leur, toi. Moi, je serais capable de me mettre à pleurer. » Bertrand lui prend son verre des mains, le pose sur la table et lui fait un bisou sur le bout des doigts. « On vous en a déjà parlé, lorsque vous êtes venu dîner à la maison. C'est par rapport à la maltraitance dont nous avons été victimes au retour de nos derniers congés. Vous savez, notre nuit avec ce couple de jeunes coopérants, vous vous souvenez ? Nathalie lui adressa un sourire plein de tendresse. « Comment oublier une si belle mais aussi triste histoire ?» Bertrand lui rend son sourire. « Merci Nathalie, mais ce que ne vous avions pas dit, c'est que 15 jours après Sylvie est tombée en dépression. » « Mon Dieu !» « Oui, au point que Patrice l'a arrêtée une semaine et voulait lui prescrire des antidépresseurs. J'ai mieux résisté qu'elle, mais je n'étais pas non plus en très bon état. Et puis, le dimanche suivant, au début d'après-midi, Michel est passé nous voir. Il savait que nous étions rentrés, s'étonnant de n'avoir aucune nouvelle. S'était renseigné et avait appris que Sylvie n'était pas bien. Un homme habitué à prendre des décisions en une fraction de seconde, il a très vite évalué la situation et il m'a dit « Ça a l'air sérieux, mais ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il vous faut. » Il a mis moins d'une heure pour aller faire l'aller-retour et quand il est revenu, il nous a préparé un bol de rooibos dans lequel il a mis une dosette de sa poudre d'écorce. Avant que nous buvions, il nous a expliqué que nous irions beaucoup mieux le soir même, mais que le petit inconvénient de cette boisson était que 30 minutes environ après l'avoir bu, nous nous sentirions très euphoriques et que nous éprouverions des pulsions sexuelles très fortes. Il avait rajouté en riant « Rassurez-vous, je vais aller faire un tour. Je reviendrai dans 2 heures. D'ici là, je pense que vous serez calmé. » Rire de Nathalie qu'elle tente en vain d'étouffer. « 2 heures, diable !» À mi-chemin entre la gêne et le rire, Sylvie réplique « Ne te moque pas. Ça a bien duré 2 heures. On était comme des fous. Là, c'est moi qui m'esclave. Comme des fous. Pendant 2 heures. Pour 2 personnes en pleine déprime. C'est quoi ce truc? De la nitro ou alors la potion magique de Panoramix ?» Réaction souriante de Sylvie. Quand Michel est revenu, nous étions encore dans un état euphorique, comme si nous avions un peu trop bu. À un point tel que, sans m'en rendre compte, je disais n'importe quoi. Nathalie a toujours été curieuse. N'importe quoi? Quoi par exemple? Sans hésiter, Sylvie répond. Sans la moindre honte, j'ai dit à Michel, on a baisé comme des malades. Je suis sûr que le rire de Nathalie s'entend jusqu'à Paris. Elle a du mal à se reprendre, surtout avec une Sylvie qui, à son tour, part en fou rire. Nathalie demande. « Et comment Michel a-t-il réagi ?» C'est Bertrand qui répond. « En nous disant qu'au cas où, il voudrait bien être le parrain. » Il poursuit. « Michel est resté avec nous jusqu'au soir, le temps de s'assurer que notre état euphorique se dissipait. On s'est fait une terrine de pintade et nous a quittés vers 22 heures. » Nathalie est redevenue sérieuse. « Et vous, comment ça s'est passé ensuite ?» Le sourire de Sylvie vaut réponse. « Super bien, heureux, calme et détendu pour la première fois depuis 15 jours. On a dormi comme des bébés. » Le lendemain, on a reçu un petit paquet avec une lettre de la part de Michel. C'était une boîte de 20 sachets de poudre avec le mode d'emploi. Il nous recommandait d'en reprendre 3 jours plus tard et ensuite une fois par semaine, en nous ménageant chaque fois 2 heures d'intimité. La précision de Sylvie fait rire tout le monde. La rémanence de ce produit est absolument remarquable. On en prend tous les samedis et on est super bien pendant toute la semaine. Patrice, à qui nous en avions parlé, nous avait conseillé de continuer jusqu'à notre retour en France, jusqu'à ce que nous quittions cet environnement délétère. Plus tard, lors d'une de ses visites, Michel nous a apporté 3 autres boîtes. De quoi faire doubler la population d'Antibes en 9 mois. Si vous en voulez, je vous en donnerai une avant votre départ. Ça vous fera 20 doses pour 2 à prendre, diluées dans une boisson chaude autre que le thé et le café qui potentialise l'effet aphrodisiaque. Avec ça, vous aurez de quoi rester zen pendant 5 à 6 mois. Fini le stress parisien. Le seul inconvénient de ce truc, c'est qu'il faut avoir un partenaire sous la main pendant les 2 heures qui suivent. C'est pas cool pour les célibataires. En riant, Sylvie boit la dernière gorgée de tangawizi qui restait dans son verre. En résumé, c'est grâce à Michel si nous avons pu récupérer de ce lynchage social. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'il ne prenne de nos nouvelles, même lors de ses déplacements en Centrafrique. C'est vraiment un amour. Je ne peux m'empêcher de demander. Tu n'as vraiment pas peur qu'il y ait dépendance, comme une drogue, quoi? Bertrand se penche vers moi. Non. Michel en prend depuis 20 ans et le seul effet pérenne qu'il a constaté est d'avoir gardé une forme physique exceptionnelle. Pour l'avoir suivi à la chasse en brousse, je confirme, il épuiserait un marathonien. C'est à ce moment que Michel réapparaît. Personne ne l'avait entendu venir, tout le monde se fige. Il y avait de l'ambiance, j'entendais vos rires depuis les cuisines. Mais pourquoi me regarder comme ça? Vous avez de vraies mines de conspirateurs, de quoi parliez-vous? Sylvie fait une drôle de mimique avec sa bouche qu'elle tord sur le côté. Mais de qui veux-tu? De toi, voyons. Eh bien, j'espère. C'est Bertrand qui lui répond. Tu ne sais pas à quel point. Le guide de chasse est métamorphosé en cuisinier, ou du moins en a-t-il les attributs. Un tablier blanc noué autour de la taille et un grand torchon dans la main droite. Ok, merci à tous, mais j'apprécierais davantage votre aide plutôt que des louanges. Je me permets de vous rappeler que pour des raisons liées à la dégradation de la météo, nous n'avons plus de personnel. Mesdames, pourriez-vous mettre la table? Avec Bertrand, on va découper le méchoui. Tandis que Bertrand et le chef disparaissent vers les cuisines, Sylvie prend Nathalie par la main. « Viens, je vais te montrer. Et Jean, je t'embauche aussi. » Un quart d'heure plus tard, tout le monde se retrouve attablé devant un immense plat en terre cuite où morceaux d'agneau rôti et légumes divers disposés en étoile garnissent une semoule si fine qu'elle en paraît impalpable. Michel fait le service avec une dextérité dénotant une longue pratique. La façon dont il compose chaque assiette est digne d'un tableau de maître. Nathalie est fascinée. À voir la maîtrise avec laquelle vous dressez ces assiettes, je suis prête à prendre le pari que vous êtes sinon le créateur, tout le moins le gardien de la recette. C'est Bertrand qui se charge du vin, un gris des sables de Camargue en parfaite harmonie avec le plat proposé. Michel trinque avec chacun des convives. Bon appétit à tous et à l'amitié. Le bruit des verres qui teintent se confond avec le chorus. À l'amitié! Et ce sont les premières bouchées dans un silence religieux auquel succèdent très vite des exclamations de plaisir et de félicitations. Chacun y va de son appréciation sur le parfum et la finesse de la viande qui fond littéralement dans la bouche. Nathalie a encore les yeux fermés sur les saveurs de la dernière bouchée. Jesus! Je n'ai jamais mangé une viande aussi fondante et aussi parfumée. Michel nous confie de lui-même la recette. Tout droit d'un restaurant parisien de l'île de la Cité tenu par un de ses amis Touareg. C'est la recette classique du couscous saharien, dans laquelle la semoule et les légumes sont cuits à l'intérieur de l'agneau. Depuis que je connais Nathalie, je l'ai toujours vu faire honneur au plat, mais c'est la première fois que je la vois manger avec un plaisir quasi animal. On sent qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'elle s'autorise à y mettre les doigts, rien que pour pouvoir les lécher. Avec ce que nous avons mangé, il ne devrait logiquement pas rester de place pour le dessert. Mais Michel, qui s'est éclipsé un instant, revient avec un somptueux sorbet aux fruits de la passion. Nathalie la gourmande s'en délecte déjà. Ce sont des fruits de la région. De mon verger, pour être précis, cueillis de ce matin. Décidément, l'Afrique a fait perdre à Nathalie toutes ses bonnes manières, à moins que ce ne soit la gourmandise. Servie la première, elle ne peut résister à la tentation de goûter à son sorbet avant même que le service ne soit terminé. Ses yeux brillent. Tout à l'heure, je disais à John que cet endroit était un coin de paradis. J'étais dans l'erreur, c'est le paradis. Comme pour le méchoui, le silence de la dégustation de ce sorbet du paradis n'est troublé que par le bruissement du vent qui semble avoir forci. C'est Nathalie qui interrompt le recueillement. Savez-vous, Michel, ce qui serait parfait? L'interpelle les féminines d'être surpris par les questions. Non, dites-moi. Une tasse de votre potion magique. Mais en version light, il faudra avoir les idées claires pour conduire au retour. C'est comme si c'était fait. Aidez-moi juste à débarrasser. Tout le monde s'active et en un tournement, la table est desservie. Avant de disparaître vers les cuisines avec la desserte roulante, Michel nous invite à nous installer dans les fauteuils près du bar. Il revient 10 minutes plus tard avec un plateau garni d'une théière et de 5 tasses. Mimant une appréhension qui fait sourire tout le monde, Nathalie s'inquiète. J'espère que vous avez eu la main légère. Je ne voudrais pas que d'ici une demi-heure, ma réputation soit irrémédiablement compromise. Michel lui tend la tasse qu'il vient de remplir. Soyez sans inquiétude. Avec ce dosage, vous ne ressentirez qu'une légère euphorie. Et cette nuit, vous dormirez comme un bébé. La conversation s'engage sur les mérites comparés des plantes médicinales et des produits commercialisés par les laboratoires pharmaceutiques dont la seule préoccupation est la santé de leur cours de bourse. Sa dernière gorgée de thé avalée, Michel se fige brusquement. Le bruissement du vent qui s'était renforcé cesse d'un seul coup. Ce silence soudain est impressionnant. Notre hôte repose sa tasse. Oh, ça va danser! Nathalie n'a pas le temps d'ouvrir la bouche qu'un grondement terrifiant ressemblant à la charge d'un troupeau de gnous et le piétinement de leurs milliers de sabots s'abat sur nous. La tornade est si puissante qu'elle fait craquer la charpente du bâtiment. Le grondement s'est changé en hurlement, celui d'un vent si violent qu'il semble capable de balayer hommes, arbres et bêtes comme des fétus de paille. Il est certain que sans la protection des épais volets, la pression de la masse d'air en furie aurait fait exploser les baies vitrées. Les deux femmes ont pâli, et à l'exception de Michel qui en apparence reste de marbre, Bertrand et moi n'en menons pas large. Je suis presque obligé de crier pour me faire entendre. « C'est la fin du monde !» Avec la même soudaineté qu'il s'était levé, le vent cesse et le vacarme avec lui. Le reste de ma phrase emplit bruyamment le silence. « Ou quoi ?» Le sourire rassurant, Michel se lève. « Dans 30 secondes, ce sera le déluge. Aidez-moi à ouvrir les baies et les volets, ça vaut le coup d'œil. » À l'instant où le dernier volet est rabattu et fixé, un trait de feu déchire la nuit et la lumière s'éteint en même temps qu'un craquement titanesque fait trembler tout le bâtiment. Dans le noir total qui nous enveloppe, je sens la main de Nathalie chercher fiévreusement la mienne. La voix de Michel se veut apaisante. Pas d'inquiétude, le groupe va prendre le relais. À la seconde même où Michel finit sa phrase, deux choses se produisent simultanément, toutes les lumières se rallument, puis, sans que la moindre goutte annonciatrice l'ait laissé présager, le déluge s'abat sur nous, ponctué d'un autre éclair aussi gigantesque que le premier. L'odeur de terre mouillée et le piquant de l'ozone se confondent instantanément. D'autres éclairs se succèdent sans arrêt, illuminant la nuit de lueurs stroboscopiques. À cet instant, le changeur de CD se remet en marche. Le roulement de la pluie couvre presque les premières notes du boléro de Ravel. Cependant, Nathalie reconnaît instantanément la mélopée qu'elle interprétait à quatre mains avec Gabriel, il n'y a pas si longtemps. Elle lâche ma main et s'avance sur la terrasse. Sylvie, à laquelle elle fait signe de la suivre, lui emboîte le pas. Personne, pas même moi, qui pourtant connais sa spontanéité, ne s'attend à ce qui va suivre. Quelques mots de concertation entre les deux femmes, puis, avec des gestes fluides et précis et un synchronisme quasi parfait, elles abaissent le zip de leur robe. Un gracieux mouvement des épaules et des hanches, et le tissu glisse à leurs pieds. Elles sont en sous-vêtements, et avant que quiconque n'ait pu réagir, se débarrassent de leurs chaussures et, se tenant la main, descendent les marches de la terrasse pour s'avancer sous la pluie. Instantanément trempées, leurs si jolies coiffures sont totalement ruinées en une fraction de seconde. La pluie crépite et leur fouette le corps, plaquant sur leur peau les fins sous-vêtements de coton blanc, si fins qu'ils en deviennent très vite transparents. Seraient-elles nues, qu'on n'en verrait pas davantage. Dans un geste lent et harmonieux, Nathalie se dresse sur la pointe des pieds, laisse aller sa tête en arrière et lève lentement les bras. Cambrant les reins, on jurait qu'elle offre son corps à la pluie et aux éclairs. Elle esquisse un pas, puis deux, un autre encore, et prenant Sylvie par la main, l'entraîne avec elle au rythme lancinant du boléro. Michel a le bon réflexe. En un geste, il monte le son et allume l'éclairage de la terrasse. Les deux femmes dansent sous la pluie en pleine lumière. Elles sont belles à couper le souffle. Leur quasi-nudité est totalement sublimée. Il n'y a plus que la beauté de la danse et les petites étincelles de lumière des gouttes de pluie qui rebondissent sur leur corps. Elles glissent et tournent lentement, se cambrent et se redressent. On croirait une danse sacrée. Je ne sais si d'ordinaire Sylvie est bonne danseuse, mais tout comme pour moi à Barbizon, le miracle s'accomplit. Il a suffi que Nathalie l'enlace pour qu'instantanément elle soit en rythme avec elle, épousant chacun de ses mouvements. Tout comme la musique, Nathalie a la danse dans le sang, et tel terpsichore ferait d'un bancal un danseur étoile. Bertrand me le confirme, s'approchant de mon oreille pour se faire entendre sans troubler le spectacle. Magnifique! Je n'ai jamais vu Sylvie danser comme ça. Le boléro s'achève crescendo et le mode aléatoire du lecteur de CD nous fait instantanément changer d'univers. Claires et nettes, les premières notes cristallines de Zorba le grec se détachent nettement sur le crépitement de la pluie. Comme dans une sorte de transe musicale, Nathalie prend la main de Sylvie, la pose sur son épaule et fait de même de son côté. Débute alors le sirtaki le plus sensuel que j'ai jamais vu. Lee et elle des siamoises, chacun de leurs gestes est millimétré en parfaite synchronisation avec celui de la partenaire. Les genoux qui fléchissent et le gracieux balancement de la jambe lançant le pied en avant, puis se posant au sol et de nouveau le même geste qui se répète tandis que les deux jeunes femmes glissent sur le côté d'un seul et même mouvement. C'est à peine si leurs pieds effleurent le sol que l'on ne voit d'ailleurs plus. Tant la pluie est dense, l'illusion est telle que l'on croirait qu'elle danse sur l'eau. La pluie doit être fraîche, car leur corps réchauffé par la danse commence à fumer, ce qui rajoute au caractère irréel de la scène. J'en regarde Bertrand et Michel. Tout comme moi, ils ont l'air terriblement émus tant le tableau vivant que les deux jeunes femmes composent est d'une beauté magique. Le rythme s'accélère, tout d'abord imperceptiblement, puis de plus en plus vite. C'est magique, d'une beauté à couper le souffle, surréaliste. Elles ne dansent plus, elles volent comme deux elfes, et si à cet instant un Africain les apercevait, je suis certain qu'il jurerait avoir vu les esprits de deux femmes blanches danser sous la pluie.